Alors que la Syrie entre dans la troisième année de guerre civile, l'emploi d'armes chimiques s'avère une réalité sur le terrain. Une nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. Elle a eu lieu à Minneapolis, dans le nord du pays. 10 millions de dollars, c'est la somme qu'a accepté de payer l'archevêché de Los Angeles à quatre victimes d'abus sexuels commis par le prêtre américain Michael Baker. Il y a trop d'immigrés, ils servent à rien, on n'en a pas besoin. Moi, contribuable, j'ai pas envie d'entretenir un parasite. Ce matin, je me suis levé avec un mal de crâne, comme un poids dans l'estomac, l'envie de vomir ma âme. Le temps est grave et chaque jour j'accepte l'inacceptable. Besoin de 4 minutes pour contester l'incontestable. Sur cette table, une facture dont le montant m'écœure sera le réceptacle de mes ratures, seulement qu'un beatmaker. Je n'ai pas d'équipe et pour seul beat, un simple cœur qui bat une fois n'est pas coutume dans son pélage. Je suis le candidat libre de tous les codes qui aseptisent les mœurs. D'un air sceptique, j'en mêle des rimes pour démêler des peurs. Un melting pot où le médiocre fait office d'exemple. Je débarque le point levé de volonté, je ne serai jamais exempt. Peur de manquer de temps, hors de question que je prenne emploi dans cette parodie où le bonheur se clique avec un doigt. À ce comptoir, les philosophes se servent des verres d'espoir, pendant que ma plume s'imbibe d'encre et gerbe des verres noirs. Qui a raison, bien qu'y croire, ça ne m'intéresse pas. Je rappe pour que le bon sens soit la finalité de chaque débat. Car l'omniscience se débat entre la science et les croyances. Face à la France, la tolérance elle-même connaît des pas. On ne se connaît pas, je me présente florilège. Mon seul désir est d'être une plume pour que leur aplomb s'allège. Je répète comme ça c'est clair, mon nom c'est florilège. Mon seul désir est d'être une plume pour que leur aplomb s'allège. Plus de coups bas, j'achève tous ces débiles avec ma verve. Des métaphores clairvoyantes qui assombrissent n'importe quel rêve. Le réel est insomniaque, jamais ne se repose. Devient paranoïaque car les mythos ne prennent plus de pause. Galvauder la prose au bénéfice de bagues en toc. Un art entier se meurt depuis qu'ils ont compris que les mots se troquent. Peine question d'époque, les cons opèrent depuis longtemps. La différence est qu'aujourd'hui sans cesse on les entend. En tout temps, dans les médias ou dans l'intimité, ils prennent la parole et le bon sens s'en trouve intimidé. Le monde est sinistré, moi j'écris ma sinistrose. Un lyriciste naît à chaque fois que le sinistre ose. Et ses ministres causent sans penser aux conséquences. Les racistes imposent le fond de leur pensée, donc qui sait quand tout ça va exploser. En tout cas, je me tiens prêt avec un mac chargé de balles névrosées. Une blonde ménopausée, leader d'une gaule moutonnière. Des pensées sclérosées, accro à cette vine coutumière. Une blonde ménopausée, leader d'une gaule moutonnière. Des pensées sclérosées, accro à cette vine coutumière. Ce n'est pas la guerre, mais ma nation n'a plus son auréole. Depuis qu'une poignée d'hommes a drogué Marianne pour qu'elle racole. Sur ces trottoirs où chaque jour tous les clodos picolent. Devant l'indifférence de gens pressés qui n'ont aucun contrôle. C'est donc ça nos vies. Ayam l'avait écrit, 16 ans plus tard, je fais un constat amer à la Kyrie. Et la haine s'aguerrit, donc je m'inquiète pour les miens. Alors je me répète que jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Que jusqu'ici tout va bien. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Attends, laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Plein le cul de ces clichés que l'on subit chaque jour. Je gueule pour les sans voix qui le matin se lèvent et rêvent d'être sourds. 24 mesures lourdes venant tout droit d'un cœur qui saigne. L'envie de tordre des coups du rap conscient où l'insouciance règne. Personne que je ne craigne, même pas ce dieu qui vend du rêve. Et si demain je sers, j'y ferai un check pour cette vie de crève. J'y parlerai de ces curés qui deviennent des pervers, qui violent des enfants sous l'œil vide et naïf d'une mère sévère. Et d'un père prolétaire raciste par intermittence, qui kiffe la beurrette mais craint le beurre qui squatte sa France. Dissimule sa peur sous un voile patriotique, sur le torse une croix celtique, symbole tragique d'une rage pathétique. Je lui montrerai ces politiques qui se fringuent en bleu marine, qui cachent les risques des faibles en jouant les mecs magnanimes. Mania du crime s'injectant de la coque dans les narines, s'annoncent porteurs des droits de l'homme et baissent leur froc devant la Chine. Je me plaindrai de tous ces gosses que l'on exploite aux quatre coins de ce monde, des femmes violées qui ne seront plus fécondes, de toute cette bouffe que l'on gaspille au nom d'une équation, de cette terre que l'on pollue et de ces guerres se nourrissant d'exactions. Révolution dans mes propos. Car la folie s'installe, un avenir nauséeux comme seule réponse à un présent instable. Au fond, je ne suis qu'un homme aigri comme un vieux qui râle et contraint d'écrire que jusqu'ici tout va mal. Jusqu'ici tout va mal. Que jusqu'ici tout va mal. Que jusqu'ici tout va mal.